trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. J'étais sorti dans la rue pour acheter des allumettes. Soudain, il m'est apparu, j'ai perdu la tête bête. Quand j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour passer inaperçu, il n'avait pas pris ses ailes. Et tout d'abord j'avais cru une demoiselle belle. Mais j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis. Ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour vêtir son corps mignon dans un bout de blanc nuage, il s'était taillé jupon et gentil corsage sage. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. De sa radieuse auréole s'était faite une ceinture, mais autour de sa figure voltaient boucles folles, drôles. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. Soudain, passe un monsieur bien, bien vêtu, mais gueule minable. L'ange a murmuré, tu viens? Combien? 500 balles. Diable. Et tous les deux, ils sont partis, mon ange descendu des cieux, mon ange bleu du paradis et le vilain monsieur.